Amis mélomanes, amis de la bonne musique, nous sommes très heureux de vous retrouver dans ces complexes, cette grande salle où la musique africaine a accès désormais et c'est pour très longtemps. Ainsi, je voudrais vous laisser en compagnie d'un groupe qui incarne la génération nouvelle, j'allais dire l'écriture nouvelle de la musique africaine moderne. Voici sous vos applaudissements la nouvelle écriture de Viva la Musica. On les applaudit très fort, s'il vous plaît.